Bang, bang, bang, bang. Oh. Hey. Vu que tu bang. Elle me demande pourquoi quand j'arrive ça fait bling bling. Elle se demande pourquoi y'a que ma table qui fait chin chin. Je vois des étoiles quand elle nous regarde et qui fait clean clean. Elle fait sa place à mes côtés, elle veut son dream dream. Elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. Je crois qu'elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. Ça commence bien, je suis marbré. Trafiquant et t'as marbré. V12 coffre est chargé. Autant que ton gros tarpé. Les quêtes plats sont passées. On se baisse pour ramasser. Glisse dans le deep comme dans chat rasé. Pas de bonjour, pas de namasté. Si je pose, tu vas câbler. Pour un smic qui va taffer. Avant l'after, tu gâchais. Je suis partout comme la 4G. Élastique, cellophané. On s'envole en jet privé. Sale équipe d'enfoirés. Tout se passe dans la story privée. Elle me demande pourquoi quand j'arrive, ça fait bling bling. Elle se demande pourquoi. Y'a que ma table qui fait chin chin. Je vois des étoiles quand elle nous regarde et qui fait clean clean. Elle fait sa place à mes côtés, elle veut son dream dream. Elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. Je crois qu'elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. On étudie les conséquences. Je crois bien qu'elle est ma semence. On regarde même plus, on dépense. La vie c'est qu'un plan séquence. K double A, badass. Faut ravitailler la plastas. Je vais faire tapis, j'ai 4 as. Sortir du check comme d'Alcatraz. Gamo, c'est bijoux qui brille. Ça attire les porcs en civil. Dans ma cachette, j'ai tout là-bas. Du jaune bien gras de la moulaga. Elle est dangereuse, attention. Y'a des filles bien, y'a des grosses folles. Elle connaît déjà la chanson, mais elle connaît pas toutes les paroles. Elle me demande pourquoi quand j'arrive, ça fait bling bling. Elle se demande pourquoi y'a ma table qui fait chim chim. Je vois des étoiles quand elle nous regarde et qui fait clean clean. Elle fait sa place à mes côtés, elle veut son dream dream. Elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. Je crois qu'elle est piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée, piquée. Et quand elle voit le prince d'âge, elle est piquée. Quand elle voit le dozo, elle est piquée. Je vois l'espoir dans ses yeux, elle est piquée. Avec moi, tu connais, c'est compliqué. Piquée, piquée, piquée. Piquée, piquée, piquée. Piquée, oh piquée, piquée. Piquée, oh.